Radio-Lio 89.5. Une mardi sur 2 à 21h. Et aussi sur radio-rageuse.net. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. On est sur Radio Dio 89.5 avec Comme un ouragan, une fois sur deux. On est là une fois sur deux. Alors, bonsoir. Le travail, c'est la santé. Aujourd'hui, on a eu envie de vous parler du travail, plus concret des maladies de travail. L'idée, c'est de vous parler autour des oppressions et aussi des luttes existantes dans le monde du travail. Si on considère que la vie, c'est le travail, dans un sens que sans travail, tu ne peux pas payer ton existence, alors on voit bien que toutes les oppressions, si c'est dans une posture post-coloniale raciste, autour du genre ou des classes sociales, fait partie du monde du travail. Et pas seulement fait partie, même c'est basé sur ça. Le travail n'est jamais fait pour être bon pour la santé. C'est d'exploitation du monde pour l'économie. Alors beaucoup des luttes se basent maintenant sur des reconnaissances de maladies de travail et de l'amélioration des conditions de travail, et plus en attaquant directement le rapport de l'exploitation entre patrons et travailleuses. C'était pas toujours comme ça, mais on vous parlera plus tard de ça. Alors quand on a commencé à préparer cette émission avec mes camarades et acolytes, on a d'abord parlé de la lutte pour la reconnaissance de la nocivité du chlordécone. Avant de tirer les fils du thème de l'émission, la santé, le travail et les reconnaissances des maladies professionnelles. J'ai tout de suite associé l'évocation de cette lutte avec un passage du livre de Françoise Vergès, Un féminisme décolonial. Je vous lis cet extrait. C'est un féminisme qui fait une analyse multidimensionnelle de l'oppression et refuse de découper race, sexualité et classe en catégories qui s'excluraient mutuellement. La multidimensionnalité, notion proposée par Darren Leonard Hutchinson, répond aux limites de la notion d'intersectionnalité afin de mieux comprendre comment le pouvoir raciste et hétéronormatif crée non seulement des exclusions précises à l'intersection des dominations, mais façonne toutes les propositions sociales et les subjectivités, y compris parmi ceux qui sont privilégiés. Cette notion fait écho au féminisme de la totalité, une analyse qui entend prendre en compte la totalité des rapports sociaux. Je partage l'importance donnée à l'État et j'adhère à un féminisme qui pense ensemble patriarcat, État et capital, justice reproductive, justice environnementale et critique de l'industrie pharmaceutique, droits des migrantes, des réfugiés et fin du féminicide, lutte contre l'anthropocène capitalocène racial et criminalisation de la solidarité. Il ne s'agit pas de relier des éléments de manière systématique et finalement abstraite, mais de faire l'effort de voir si des liens existent et lesquels. Une approche multidimensionnelle permet d'éviter une hiérarchisation des luttes fondées sur une échelle de l'urgence dont le cadre reste souvent dicté par des préjugés. Tenir plusieurs fils à la fois pour surmonter la segmentation induite par l'idéologie et saisir comment s'articulent historiquement production et reproduction sociale. Voilà l'enjeu. C'est cette approche qui m'a guidée dans mon analyse des milliers d'avortements et stérilisations sans consentement perpétrés annuellement à l'île de la Réunion dans les années 70. Car si je m'étais arrêté à l'explication qui rendait pour seul responsable de ce crime les médecins blancs et français qui y procédait, je l'aurais réduite à une histoire de cupidité chez quelques hommes blancs, alors qu'une étude de la totalité des éléments a mis en lumière une politique étatique française nataliste en France et antinataliste pour les femmes racisées et pauvres dans ces départements, entre guillemets, d'outre-mer. Politique qui s'inscrivait dans une reconfiguration globale des politiques occidentales de contrôle des naissances, dans un contexte de lutte de libération nationale et de guerre froide. De même, dans une présentation de pédagogie décoloniale critique, j'utilise un fruit familier, la banane, pour éclairer un certain nombre d'analogies et d'affinités électives. Sa dispersion de la Nouvelle-Guinée au reste du monde, banane et esclavage, Banane et impérialisme US, Banana Republics, Banane et agrobusiness, pesticides, insecticides, le scandale du chlordécone aux Antilles, Banane et conditions de travail, régime plantationnaire, violence sexuelle, répression, Banane et environnement, monoculture, eau polluée, terre polluée, Banane et sexualité, Banane et musique, Banane et spectacle, Joséphine Baker, Banane et branding, Banana Republic, Banane et racisme, à partir de quand Banane et négrophobie sont-elles associées, Banane et science, recherche de la banane parfaite, Banane et consommation, faire entrer la banane dans les foyers, suggérer des recettes, Banane et rituel aux ancêtres, Banane et art contemporain. La méthode est simple, partir d'un élément pour mettre au jour un écosystème politique, économique, culturel et social, afin d'éviter la segmentation que la méthode occidentale des sciences sociales a imposée. Les analyses les plus éclairantes et productives ont d'ailleurs été ces dernières décennies, celles qui ont tiré le plus grand nombre de fils pour mettre en lumière les réseaux d'oppression concrets et subjectifs qui tissent la toile de l'exploitation et des discriminations. Voilà, c'est l'extrait, le premier extrait que j'avais envie de lire et que m'a inspiré cette émission. Et après, j'ai sitôt voulu relire un autre extrait d'un autre livre d'Edouard Louis, cette fois-ci, qui a tué mon père. Je me souvenais qu'il n'hésitait pas à faire un lien direct entre la macro-politique et les conditions de travail des travailleurs. Et il n'hésite pas non plus à citer les noms des responsables auteurs des lois qui régissent la vie des pauvres et des travailleurs en bas de l'échelle. C'est donc cette visibilisation des responsables qu'il énumère et contextualise que je vais vous lire. En 2006, le gouvernement de Jacques Chirac, président de la République de la France, pendant 12 ans, et son ministre de la Santé, Xavier Bertrand, ont annoncé que des dizaines de médicaments ne seraient plus remboursés par l'État, dont en grande partie des médicaments contre les troubles digestifs. Comme tu devais rester allongé toute la journée depuis l'accident et que tu avais une mauvaise alimentation, les problèmes de digestion étaient constants pour toi. Acheter des médicaments pour les réguler devenait de plus en plus difficile. Jacques Chirac et Xavier Bertrand te détruisaient les intestins. Pourquoi est-ce qu'on ne dit jamais ces noms dans une biographie ? En 2007, Nicolas Sarkozy, candidat à l'élection présidentielle, mène une campagne contre celles et ceux qu'il appelle les assistés et qui, selon lui, volent l'argent de la société française parce qu'ils ne travaillent pas. Il déclare « Le travailleur voit l'assisté s'en tirer mieux que lui pour boucher ses fins de mois sans rien faire. » Il te faisait comprendre que si tu ne travaillais pas, tu étais en trop dans le monde, un voleur, un surnuméraire, une bouche inutile, aurait dit Simone de Beauvoir. Il ne te connaît pas, il n'a pas le droit de penser ça. Il ne te connaît pas, ce genre d'humiliation venue des dominants te fait ployer le dos encore plus. En 2009, le gouvernement de Nicolas Sarkozy et son complice Martin Hirsch remplacent le RMI, un revenu minimum versé par l'État français aux personnes sans travail, par le RSA. Tu touchais le RMI depuis que tu ne pouvais plus travailler. Le passage du RMI au RSA visait à favoriser le retour à l'emploi, comme le disait ce gouvernement. La vérité, c'était que dorénavant, tu étais harcelé par l'État pour reprendre le travail, malgré ta santé désastreuse, malgré ce que l'usine t'avait fait. Si tu n'acceptais pas le travail qu'on te proposait, ou plutôt qu'on t'imposait, tu allais perdre ton droit aux aides sociales. On ne te proposait que des emplois à mi-temps épuisants, physiques, dans la grande ville à 40 km de chez nous. Payer l'essence pour faire l'aller-retour tous les jours t'aurait coûté 300 euros par mois. Au bout d'un certain temps, pourtant, tu as été obligé d'accepter un travail de balayeur dans une autre ville pour 700 euros par mois. Penché toute la journée à ramasser les ordures des autres. Penché alors que ton dos était détruit. Nicolas Sarkozy et Martin Hirsch te broyaient le dos. Tu avais conscience que pour toi, la politique était une question de vie ou de mort. Merci beaucoup pour ces deux extraits. On va illustrer en musique avec Canaille l'usine, c'est ça ? Avant de continuer cette émission.

Alors, ben, bonjour, moi c'est Lucas, j'ai 27 ans, j'habite dans l'Isère à Saint-Lathier. Je suis originaire de la Martinique, moi je suis né là-bas, j'y ai grandi. Aujourd'hui donc je suis installé dans l'Isère là depuis 3 ans, je suis maraîcher, et puis maraîcher on va dire que c'est mon boulot, un petit peu inclus sur dans des dynamiques collectives, donc sur une ferme collective. Et puis autour de ça, ben, je suis aussi un petit peu intéressé par tout un tas de luttes, on va dire avec comme commun les questions un peu intersectionnelles, donc que ce soit autour de comment on vit avec notre environnement, les questions de genre et de patriarcat, questions de domination capitaliste, questions autour des questions coloniales aussi, racistes, donc voilà, un petit peu tout ce petit mélange de luttes. J'essaie d'y mettre un petit peu de l'énergie comme je peux par-ci, par-là. À quel moment et de quelle manière j'ai été confronté au chlordécone ? Chlordécone, j'en ai entendu parler, je vais faire un petit peu avec mes souvenirs, hein, mais c'était quand j'étais en Martinique, autour de peut-être 2008, je devais avoir quelque chose comme 12-13 ans, quand ça a commencé à être un sujet dont on a parlé publiquement là-bas, en tout cas au moment où moi j'en ai entendu parler. Et à l'époque, moi, en tant que voilà quelqu'un qui vit en Martinique, ce qui ressortait, c'est qu'on se rendait compte à ce moment-là que ce produit qui avait été utilisé jusque dans les années 90 dans la banane, en fait, avait pollué une grande partie de nos terres, et puis qu'il y avait tout un tas d'activités, père et ma famille, comme aller chercher des crabes, qu'on devait plus faire parce que en fait c'était des zones qui avaient été polluées par le chlordécone, dans laquelle en fait toute la population y avait été exposé. Il y a aussi tout un tas de choses sur, par exemple, tout un tas d'endroits où on cultivait beaucoup de légumes racines, les ignames, les patates douces, les dachines, où en fait les gens avaient été intoxiqués sans le savoir parce qu'on avait cultivé sur des zones où le produit était présent. Depuis quand c'est dit et déclaré comme dangereux, ben voilà, moi, comme je l'ai dit là tout à l'heure, c'est. Ouais, moi, je l'avais autour de. De 12-13 ans, quand j'en ai entendu parler, il y a commencé à avoir un peu des documentaires, des choses comme ça qui sortaient en Martinique. Et c'est une période sur laquelle je sais qu'en France hexagonale, c'était loin des têtes. Et quand le scandale il est sorti, bah voilà, faut se dire que ça faisait déjà quasiment, en tout cas ouais, quasiment une vingtaine d'années que ça avait été arrêté d'être utilisé en Martinique. Et pour moi, ouais, ce qui est un petit peu dramatique, c'est que le sujet il a été mis sous le tapis et qu'en fait. À la fois bah, les fabricants, l'État, les planteurs, qui sont, voilà, pour contextualiser, hein, les planteurs, c'est les descendants des premiers colons, c'est les béquets qui gèrent cette filière-là. Et quand ils ont fait toutes leurs demandes de dérogation pour continuer d'utiliser le produit, à ce moment-là, ils savaient clairement que c'était dangereux, parce que ça avait été interdit aux États-Unis au préalable. À l'époque, tu vois, c'était Reagan qui était président. C'était pas du tout un écolo et un bienfaiteur. Donc, faut se dire que si à cette époque-là, déjà aux États-Unis, ils l'ont interdit, ils savaient très bien que c'était dangereux. Et donc, en fait, c'est une époque où les intérêts économiques et de maintenir la filière banane qui a vraiment toutes les caractéristiques de coloniales, hein, dans le sens, en fait, c'est un produit, à l'époque de l'esclavage, ils faisaient de la canne, du café pour alimenter les métropoles. Et là, là, sur le siècle dernier, encore maintenant, on fait de la banane pour alimenter de la banane dans les colonies pour alimenter les métropoles en exploitant la main-d'œuvre locale, quoi. Comment et quand ça commençait de se révolter et les luttes? Moi, à l'époque où j'étais en Martinique, en fait, il y avait assez peu de groupes un petit peu militants qui se penchaient sur la question. C'était une question que voilà, sur laquelle la population était au courant. Il y a eu du mécontentement, de la surprise, de la stupéfaction de se rendre compte qu'on se retrouvait sur une île complètement polluée. Mais ça n'avait pas à l'époque donné lieu à des révoltes particulières ou des grosses luttes, en tout cas à ma connaissance. Moi personnellement, je sais que ça m'avait beaucoup atteint. Faut se dire que du coup moi en 2013, en 2012, mon grand-père est décédé. Mon grand-père, il a été ouvrier agricole dans la canne, un peu dans la banane. Il est décédé d'un cancer généralisé qui avait démarré par un cancer de la prostate. Et lui-même, du coup, paysan dans ce modèle du 20e siècle où, en fait, techniquement, il était ouvrier et il travaillait un bout de l'année, mais à côté de ça, en fait, il avait des jardins où il cultivait, il avait des animaux pour plus la subsistance de la famille, quoi. Aujourd'hui, ça va être dur de dire est-ce que c'est parce qu'il a eu bossé là-dedans qu'il a eu ce cancer ou pas, mais moi, ça m'a personnellement touché. Chose que ça m'a fait, moi, c'est une époque où je réfléchissais déjà à aussi devenir agriculteur. Il y avait tout un tas d'enjeux pour moi en Martinique sur le fait qu'on soit pas du tout autosuffisant alimentairement, que toutes les cultures, la majorité des cultures produites, la banane, la canne, ça partait pour l'exportation. Et j'avais envie d'envisager de faire de l'agriculture en Martinique. Et à l'époque, je voyais bien que la question de l'accès à la terre, elle allait être super compliquée. D'une part parce que t'as tous les descendants des premiers colons, des béquets qui ont plus de la moitié des terres agricoles alors qu'ils sont moins de 1% de la population, ça c'est une chose, et qu'à côté de ça, une partie des terres, on va dire, non détenues par les béquets, elles étaient polluées par le chlordécone, et du coup ça allait être des terres sur lesquelles il n'y aurait pas moyen de faire de l'agriculture en local, quoi. Il va se casser. Je surveille mes arrières, je fais même pas mes lacets. Je soupire, ça fait alala. Dis-moi qui m'empêchera de brasser. Tout près de tes tempans, j'arrive comme y'a ma cassé. Jésus et papi Ochoa, même eux ils ont dû trépasser. T'es un super héros, hein, tu viens menacer. Je soupire, ça fait alala. Dis-moi qui m'empêchera de brasser. C'est chaud comme chez moi, ça boule comme bidon d'acide. J'ai connu des hauts et des bas, la chatte à la pute. Qui suis dans l'ascenseur, qui suis dans l'ascenseur. La conseillère d'orientation fait du bon boulot. Mais la vie n'a pas de sens, mais la vie n'a pas de sens. Je n'ai pas eu les mots pour leur dire mes doléances. En même temps les mots ne veulent rien dire s'il n'y a pas d'action. On finira qu'avec tout ce qu'on aura mérité. C'est pour ça qu'entre eux et moi y'aura jamais d'équité. Je surveille mes arrières, je fais même pas mes lacets. Je soupire, ça fait alala. Dis-moi qui m'empêchera de brasser. Tout près de tes tempans, j'arrive comme y'a ma cassé. Jésus et papi Ochoa, même eux ils ont dû trépasser. T'es un super héros, hein, tu viens menacer. Je soupire, ça fait alala. Dis-moi qui m'empêchera de brasser. C'est chaud comme chez moi, ça boule comme bidon d'acide. Montez au Paname, 0 euros, ils m'ont dit non mais non. Je pensais qu'ils me connaissaient mieux que ça, mais non mais non mais. Sensible, cachette, pequeño, pompé. Pour Batalibi, vu que je serai partout, ouais, ouais, ben, ouais. Fille à papa, bien sûr que j'aurais niqué leur mère. Fille à papa, bien sûr que j'aurais niqué leur mère. Oh, la seule fois qu'ils nous ont fait penser pour nous foutre dehors. Alors si je défonce tout, ne me dis pas, mais non, mais non. C'est le jour avant le caviar. Il va se casser. Je surveille mes arrières, je fais même pas mes lacets. Je soupire, ça fait alala. Dis-moi qui m'empêchera de brasser. Tout près de tes tempans, j'arrive comme y'a ma cassé. Jésus et papi Ochoa, même eux ils ont dû trépasser. T'es un super héros, hein, tu viens menacer. Je soupire, ça fait alala. Dis-moi qui m'empêchera de brasser. C'est chaud comme chez moi, ça boule comme bidon d'acide. Pour moi, les en fait de ce que j'ai suivi au niveau des révoltes et des luttes, il y a commencé à en avoir des manifestations assez fortes avec des revendications anticoloniales et un petit peu structurelles autour de cette question du chlordécone. Plutôt en 2019, notamment, il y avait eu des grosses manifestations près d'un centre commercial à Océanis, sur lequel il y a eu des arrestations, et c'est un petit peu suite à ça qu'il y a eu le comité du 13 janvier 2020 qui s'est monté. Et à mon grand regret, moi, c'est une époque où bah, j'étais déjà en France, dans l'Isère. Donc c'est des luttes sur lesquelles j'ai pas, d'une part, j'ai pas participé, et d'autre part, j'ai assez peu de contacts directs. Et en vrai, c'est quelque chose qui me fait assez chaud au cœur de, bah, de sentir que voilà, il y a des gens qui se bougent là-bas maintenant. Et qu'à l'époque où j'y étais, où j'avais essayé de m'installer aussi comme agriculteur, c'est des réseaux de lutte que j'avais pas trop rencontrés et avec lesquels moi ça me dit bien d'essayer de retisser des liens. Et à travers le SMAC, finalement, c'est un petit peu ce qui est en train de se faire, où c'est un petit peu, j'ai l'impression, bah voilà, là d'où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire de l'autre côté de l'Atlantique, bah, de faire en sorte qu'ici on puisse diffuser le sujet et puis faire du soutien aux caisses anti-répression, voilà, pour les gens qui militent là-bas. Pour ce qui est des revendications, de ce que j'ai suivi, les revendications qu'il y a là-dessus, en fait, ça tourne beaucoup autour de la reconnaissance de la responsabilité de l'État et des planteurs béquets dans la toxication de la population martiniquaise et de pollution des sols, quoi, des sols et des corps des gens qui y vivent. Et après, pour aller plus loin, je sais pas si c'est des choses qui sont directement portées par les mouvements qui luttent là-bas. Le fond de la lutte, il faudrait qu'il aille encore plus loin, c'est-à-dire qu'au-delà de la reconnaissance du chlordécone en tant que produit qui nous intoxique, c'est un modèle agricole, un modèle de domination plus global qui est encore, en fait, tous les schémas de la colonisation, un peu comme je disais tout à l'heure. Pour moi, ce qui pourrait vraiment faire bouger les choses, ça serait de réussir à en arriver à quelque chose de l'ordre de la réforme agraire et de la reprise en main des terres par les gens qui vivent en Martinique et dans un but nourricier pour que l'île, en fait, elle puisse acquérir son autosuffisance alimentaire à minima. Parce que à l'heure actuelle, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces terres qui sont plantées en bananes et en cannes, ça part à l'exportation. Et qu'en face de ça, la population martiniquaise est complètement dépendante des importations juste pour pouvoir bouffer, quoi. Est-ce que le cancer de prostate comme maladie reconnue professionnelle, c'est une victoire pour moi? Bah ouais, c'est petit à petit, c'est des petites choses, mais c'est une bonne chose déjà que ce soit reconnu. Est-ce qu'il y a des solutions pour contre la condamnation des terres et des personnes? À l'heure actuelle, je sais pas trop où ça en est. Personnellement, je sais pas dans quelle mesure la condamnation de gens individuellement, elle est possible, même si clairement, on a des noms, on a des familles. Après, ça rentre dans des questions un petit peu complexes où, en fait, certaines personnes qui ont été responsables de la contamination, de donner les autorisations d'utiliser le chlordécone à l'époque, elles sont plus forcément en vie. Et que pour moi, aller chercher la responsabilité sur la descendance, ça n'a pas forcément de sens parce que, y compris pour les pires des béquets dont les aïeux ont fait les pires des atrocités, les descendants n'en sont pas responsables. Du coup, moi, j'ai pas envie d'être dans une logique de chasse à des individus. Par contre, d'un point de vue systémique, pour moi, ça aurait carrément du sens de se dire si aujourd'hui on doit remettre en cause la propriété privée et exproprier des gens qui maintiennent ce système en place, je suis carrément pour. Aujourd'hui, je suis paysan dans l'Isère. J'ai réussi à trouver dans le coin dans lequel je suis des dynamiques collectives très chouettes, comme je disais, un peu sur des thèmes intersectionnels qui parlent pas que d'agriculture. Et ça me porte beaucoup, c'est quelque chose qui m'a manqué à l'époque quand j'étais en Martinique. Et ça me fait bizarre de voir qu'aujourd'hui, de loin, bah, c'est des espèces de dynamiques qui sont en train de se mettre en œuvre là-bas. Donc j'ai bien envie de pouvoir m'y connecter un moment. Et moi ici, j'ai l'impression de beaucoup me nourrir, de voir les organisations de lutte, qu'elles soient syndicales avec la Confédération Paysanne, des mouvements comme les Soulèvements de la Terre, et, ou des orgas beaucoup plus informels comme des cantines qui font du prix libre dans les villes, des choses comme ça. Moi, c'est des choses qui me nourrissent beaucoup, du fonctionnement collectif dont j'apprends. Et un jour, moi, j'ai envie de pouvoir rentrer chez moi et de revenir aussi avec des choses que j'ai vues et apprises ici en France hexagonale en termes d'organisation de lutte profondément anticapitaliste, anticolonial, antipatriarcal et compagnie, pouvoir ramener ça chez moi pour participer, faire bouger des choses en Martinique. Comme je parlais, le fond de ma pensée, pour moi, il va sur des choses de l'ordre de la réforme agraire et de l'ordre de acquérir l'autosuffisance alimentaire à l'échelle de la Martinique. Il y a une chanson là qui me vient en tête, elle s'appelle Février 74 de Colo Barthes, un artiste martiniquais. C'est une chanson qui raconte en fait une révolte ouvrière des ouvriers agricoles qui travaillaient dans la banane dans les années 74, où ça a été des revendications pour une revalorisation des conditions de travail et de la rémunération. Donc le 14 février 1974. Du coup, ça a été une répression, ça a été des manifestations dans lesquelles il y a eu de la répression ultra violente de la part de l'État français, qui sont racontées dans cette chanson, et qui a fini avec deux morts. En gros, il y a les forces de l'ordre françaises qui ont tiré à balles réelles sur la population, en faisant deux morts et des blessés graves. Pour moi, cette chanson, elle a vraiment du sens en lien avec le sujet dont on a parlé. Maman, maman, écoutez ça qui passait. C'était en février 1974. C'était en février 1974. À dans Chanson Nana, tout près comme une basse pointe, à Soubitation Chalvé, t'es bêté ni pour taillot. À Soubitation Chalvé, t'es bêté ni pour taillot. Ouvrier agricole, t'es qu'à manifester, ou bêté t'es augmenté. Les journées manana, ou bêté t'es augmenté. Les journées banana, vérité pété tête colon, qui préférait rester serré. Et puis yolé yo négocié, yo crié policier, olé yo négocié, yo crié policier, le policier qui fait tes pinèg, cachilé avant aller, alors pour remplacer, yo voyez mitrailleur, alors pour remplacer, yo voyez mitrailleur. Mitraillé, qui paniche, accepte mission, puis n'est-ce qu'avancé, puis bal réel qu'a tiré, puis n'est-ce qu'avancé, puis bal réel qu'a tiré, dès qu'un malade tombé, il m'a nié, puis Marie-Louise, dès qu'un malade tombé, il m'a nié, puis Marie-Louise. Il mani tombé chalvé, Marie-Louise tombé après. C'était en février. Vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 dans Comme un ouragan, une émission sur le travail et la santé. Et voilà, déjà merci beaucoup à Lucas pour ce témoignage. C'était super intéressant. Et on va continuer un tout petit peu seulement parce qu'en fait, lui aussi, il a parlé d'une... Là, il y a un groupe de soutien qui est là en Isère. Et pour un peu vous expliquer qu'est-ce que c'est, on a fait une tout petite interview de seulement 2 minutes avec une personne qui participe à cette soutien. Voilà. Alors du coup, nous, on est un collectif qui s'appelle le collectif de soutien aux militants anti-chlordécone. On s'est créé il y a quelques mois, plutôt en Isère. On est un groupe de personnes un peu en lien avec un réseau paysan en Isère. Et notre idée, c'était de pouvoir soutenir la lutte des militants anti-chlordécone en Martinique et en Guadeloupe. Le chlordécone, c'est un pesticide qui a été beaucoup utilisé dans les Antilles. Par les planteurs becquets blancs avec la collaboration du gouvernement français qui a permis l'utilisation et autorisé des dérogations pour que le chlordécone continue à être utilisé là-bas alors qu'il était interdit ailleurs. Et du coup, qui a empoisonné la plupart des sols, et notamment des terres agricoles, et aussi toute la population, comme 90% de la population de Guadeloupe et de Martinique. Et du coup, face à ça, depuis plusieurs années, il y a des gens en Martinique et en Guadeloupe qui s'organisent pour demander à la fois la reconnaissance de l'empoisonnement et aussi des réparations, notamment au gouvernement français, aux représentants de l'État français. Et donc, notamment en 2020, il y a eu un gros mouvement parce que la plainte qui avait été déposée, les tribunaux ont essayé de faire passer la prescription, donc le fait que la plainte soit plus justifiée, quoi. Et du coup, il y a eu des gros mouvements, il y a eu beaucoup d'arrestations, il y a des personnes qui sont déjà en prison, d'autres personnes qui sont en attente de jugement, il y a eu aussi énormément de violences policières. Et donc, il y a un collectif qui s'est créé, qui s'appelle le Comité 13 janvier 2020, qui est un comité anti-répression, enfin, qui soutient les militants dans leur défense et pour leur procès, et donc qui, notamment, organise une collecte de thunes pour payer la défense. Et donc, nous, c'est ça qu'on fait, c'est essayer de récolter des thunes par ici pour les envoyer à leur caisse de solidarité, et aussi en profiter pour diffuser de l'information autour de cette lutte et essayer d'organiser aussi d'autres réseaux de solidarité ici et que ça puisse se reproduire dans d'autres villes ou dans d'autres endroits. Et alors, pour participer à ce soutien, en vrai, on peut aussi facilement ramasser du thune direct. Je crois, si on regarde c'est quoi le comité 13 janvier 2020, on va peut-être tomber sur une cagnotte ou quelque chose comme ça pour ramasser du thune pour apporter un peu de soutien à personne qui se battre contre le chlordécone et ses conséquences. Et pour continuer dans cette émission, on avait envie de faire un petit bout aussi de retour sur à quel moment et comment se sont structurées aussi les luttes de travailleurs au niveau historique, de façon générale, contre ce qu'on va appeler les poisons industriels, c'est-à-dire tous les procédés qui sont utilisés. Du coup, là, comme on vient d'entendre parler, le chlordécone, mais aussi beaucoup d'autres produits chimiques qui sont utilisés dans l'industrie par les travailleurs pour la production de produits dans une logique capitaliste, qu'elle soit agraire ou industrielle. Du coup, on avait un petit peu envie aussi de faire un retour sur l'historique de l'utilisation de ces poisons industriels et ça a été quoi les revendications autour de ça. Du coup, moi je vais vous retranscrire essentiellement la lecture d'un article écrit par un chercheur de France hexagonale qui revient sur la lutte contre justement l'interdiction des poisons industriels et la reconnaissance des maladies professionnelles. Du coup, ce que raconte cette personne au niveau historique, c'est que au début, en fait, du coup, lui, il se place un petit peu dans le début de l'industrialisation en France hexagonale, sur le début de l'industrialisation massive. Les premières personnes qui vont s'intéresser aux conséquences sur la santé des travailleurs, dans un premier temps, avant que le mouvement ouvrier soit plus massif, plus organisé, plus syndicalisé, ça va être plutôt les médecins, du coup les médecins hygiénistes, qui vont s'intéresser au qu'est-ce que ça impacte sur le corps des travailleurs, le fait de l'industrialisation, des conditions de travail et surtout l'utilisation de substances toxiques. Du coup, ces médecins, ils vont produire pas mal de textes et de recommandations en disant « Ah bah finalement, quand même, certes, l'industrialisation, c'est bon pour l'État français parce que ça crée de la richesse pour le patronat, mais quand même, on voit bien que sur le corps des travailleurs, ça a des conséquences. » Du coup, ces médecins, ils bossent un peu dans leur entre-soi de médecins, ils produisent des textes scientifiques pour dire « Ah bah quand même, on aimerait bien aussi pouvoir donner des cours d'hygiène aux travailleurs et améliorer les conditions de travail à l'intérieur des usines, etc. » ça, c'est à peu près les années 1840-1870. C'est un peu les premiers textes historiques, en tout cas, qui sont répertoriés par ce chercheur-là. Le problème, c'est que ces médecins hygiénistes sont complètement en contradiction avec la classe industrielle patronale, c'est-à-dire que leur recommandation va à l'encontre des recommandations d'accroissement de la productivité. Du coup, grosso modo, ce que leur répond l'État et les patrons industriels, c'est oui, certes, pourquoi pas, mais à chaque fois que vous allez faire des recommandations, ça va aller à l'encontre de l'accroissement de la productivité. C'est-à-dire, si vous dites « Ah, bah, il faut réduire un petit peu les cadences de travail, il faudrait utiliser un petit peu moins ce produit-là », et bah, du coup, ça va à l'encontre de ça. Et puis, vu que les médecins hygiénistes sont absolument pas un corps de travailleurs en lutte, ils disent « Ah, bah, oui, on aimerait bien, mais ils se positionnent pas du tout comme une force politique ». Du coup, finalement, ça aboutit pas du tout à concrètement des améliorations des conditions de travail ou à un mouvement, parce qu'ils sont pas partie prenante en fait de ce qu'ils décrivent. Ils sont plutôt dans une position un peu surplombante de nous en tant que médecins, on trouve que quand même ça crée quelques désagréments de cette industrialisation. Et là, on arrive vers 1870, gros boom de l'industrialisation et surtout structuration du mouvement des travailleurs. Et là, le gros changement qui se passe concernant la santé, c'est-à-dire que c'est les ouvriers eux-mêmes qui vont commencer à produire des textes et surtout de la connaissance et des revendications par rapport à leurs propres conditions de travail. Et là, ce qui va émaner de ça, c'est du coup plusieurs congrès internationaux où les ouvriers se rencontrent. Et quand ils parlent de la santé, eux, leurs revendications, elles sont très claires. C'est-à-dire qu'ils disent pas « il faut améliorer les conditions de travail » ou « il faudrait avoir une reconnaissance que ce qu'on fait, c'est dangereux ». Plutôt, ce qu'ils posent clairement, c'est ce qu'il faut, c'est abandonner tout procédé industriel qui nuit à la santé des travailleurs. Et ça, c'est une position vraiment profondément révolutionnaire. Parce que ça va clairement à l'encontre des intérêts du patronat, mais en même temps, c'est une position d'ouvrier organisé qui dit la seule position logique pour préserver notre santé, c'est d'arrêter, tout simplement. D'utiliser du plomb, d'utiliser de l'arsenic, d'utiliser du blanc de céruse, c'est un peu là tous les principaux produits qui sont utilisés, puisque on le sait, ça dégrade la santé, ça fait des morts, du coup on va pas chercher une reconnaissance de ces maladies-là, mais nous ce qu'on veut c'est que si une industrie est mortelle, on l'arrête, point barre. Du coup, qui sont des positions profondément révolutionnaires, mais qui sont des revendications qui sont portées de 1870 jusqu'à à peu près 1900. Et du coup, c'est notamment porté par la CGT, la Confédération Générale des Travailleurs, dans des organisations internationales, à un moment donné où la CGT est aussi sur des positions révolutionnaires, c'est-à-dire qu'elle est aussi contre l'État, contre le travail salarial, etc. Ces propositions de loi vont évidemment complètement à l'encontre des intérêts patronaux et de l'État français, puisqu'elles disent il faut arrêter toute industrie contraire à la santé des travailleurs, et que les industriels disent bah, du coup, ce que vous demandez, c'est d'arrêter l'industrie, ça va pas. Du coup, il y a des batailles politiques assez importantes à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est un peu le mouvement jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire de 1900 jusqu'à 1914, où il y a des parlementaires, du coup des députés, qui vont dire « on veut soutenir ces revendications-là, on va les porter au Parlement ». Sauf que du coup, pour les porter au Parlement, ils disent « ouais, mais il faut un petit peu mettre d'eau dans son vin et revenir un petit peu sur les revendications ». Et plutôt que de proposer juste l'arrêt des procédés industriels dangereux, on va aussi demander une reconnaissance des maladies professionnelles. Et du coup, ils vont chercher les parlementaires à aller sur les deux terrains en même temps. C'est-à-dire, on arrête les industries dangereuses, mais en même temps, si ça marche pas, on va demander une reconnaissance pour les travailleurs qui sont atteints par les maladies liées à l'industrie, une reconnaissance, c'est-à-dire en sous, et une reconnaissance des maladies professionnelles. Du coup, on est un peu dans un premier mouvement un peu réformiste, quelque part. Tout ça, c'est du gros bataillage au Parlement, au niveau des syndicats des ouvriers, etc. On est dans un mouvement plutôt révolutionnaire, puis arrive, en France hexagonale, 1914, la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, ça signifie, entre autres choses, toujours pareil, hein, moi je me base sur la lecture de cet article-là, mais en tout cas au niveau du mouvement ouvrier, ce que ça signifie, la Première Guerre mondiale, c'est deux choses assez importantes, c'est le recul des conditions de travail à l'intérieur des usines, parce que tout ce qui a été gagné, finalement, on bascule sur une industrie de guerre, c'est-à-dire que les critères de travail vont être beaucoup plus... moins fort, c'est-à-dire qu'on va dire, bon, bah, là, on est en guerre, du coup, il faut bosser coûte que coûte, il faut produire de la poudre, il faut produire de la chimie, des obus, etc. Et tant pis si les ouvriers sont encore dans des conditions de merde. Du coup, industrie de guerre qui justifie des conditions de travail encore plus délétères pour les travailleurs. Et aussi, un moment d'union nationale, nationaliste, patriotique, qui fait que, du coup, la CGT, qui est à l'époque une organisation très révolutionnaire, on invite la CGT à venir plus au gouvernement. Et de ça, grosso modo, on aboutit en 1918, du coup, à des positions, finalement, beaucoup plus mélangé et réformiste, c'est-à-dire que finalement le gros de la bataille, ça va être, il y a tout un bout de la bataille qui va être abandonné, c'est-à-dire de dire finalement ce que veulent les travailleurs, enfin en tout cas ce que revendiquent les centrales syndicales en sortir de la guerre, ce n'est plus l'abandon des industries mortifères, mais c'est une reconnaissance en tant que maladie professionnelle. Ce qui va être une victoire, et ce qui n'est pas rien. Enfin, je veux dire, c'est aussi quand même de la grosse bataille, quoi, de reconnaître pour les ouvriers que l'utilisation de certains produits provoque des maladies et qu'ils ont droit à un bénéfice financier, etc., par rapport à ça, et de faire le lien aussi entre la responsabilité patronale et les ouvriers. Mais en tout cas, ça signifie la fin de cette revendication que moi, je trouvais hyper intéressante de se dire qu'au début, quand même, la revendication première, c'était « on arrête toute industrie qui détruit la santé ». Beaucoup moins radical. Voilà. Waouh. Je voulais enchaîner normalement avec un exemple de The Radium Girls. Ça pourrait être une groupe de punk, mais malheureusement, ouais, c'est pas du tout ça. Mais on va s'écouter une petite musique avant d'enchaîner avec un exemple qui marche pas mal avec ce que tu nous as raconté. On va écouter Stromae, la chanson Santé de son nouvel album qui est carrément, on dirait qu'il l'a écrit un peu pour cette émission. À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Bonne manière, pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frotter, frotter, mieux vaut ne pas si frotter. Frotter, si tu ne me connais pas, brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Vous êtes toujours sur Radio Duo 89.5 et dans un comme un ouragan. Youhou! Et comme j'ai déjà dit avant la musique, j'ai envie de vous raconter un peu l'histoire de The Radium Girls, comme on les appelle aussi. Et en fait, c'était aussi, parce qu'on a parlé de Première Guerre mondiale, mais... pendant la Première Guerre mondiale, des centaines de jeunes femmes ont été employées dans des usines horlogères pour peindre au radium des cadrans phosphorescents. Bon, là, on parle d'un exemple aux États-Unis, seulement pour recontextualiser. Ces ouvrières qui brillaient littéralement dans le noir allaient souffrir des très graves effets secondaires. Pour entrer le plus fin possible, les filles doivent affiner la pointe du pinceau dans leur bouche. Le procédé s'appelle le marquage aux lèvres. À chaque geste, des centaines de fois par jour, les ouvrières avalent un peu de la luminescente peinture verte. Et en fait, ils racontent, parce que comme c'était du radium, ils ont quand même demandé à l'usine, on va dire, ou la patronne, est-ce que c'est dangereux ou pas. Et en fait, ils étaient assurés que ce n'était pas dangereux, qu'il ne fallait pas avoir peur. Et que, bien évidemment, ce n'était pas vrai. Dès sa découverte, le radium était connu pour sa nocivité. Déjà, Marie Curie elle-même s'était gravement brûlée en le manipulant. Des gens étaient mortes empoisonnés au radium bien avant l'embauche de la première fille fantôme, comme on les a appelées, dans l'usine d'Orange. L'employeur des jeunes femmes, USRC, nie pendant quasiment 2 ans toute responsabilité dans leur décès. Parce que, en fait, il y a des exemples de plusieurs femmes, ou en fait presque toutes les femmes, après, je crois, 2 ans, ça commence, ils ont vraiment des... Bon, en fait, c'est des cancers aussi. Et après, vraiment un truc de... Comment dire ? Que tous les os, ils se... Vous pouvez m'aider ? C'est quoi le mot ? Ils se cassent, quoi. Ouais, ils se cassent. Que vraiment, il y avait un exemple, j'ai vu des images. Une personne qui était au dentiste et qui touche, qui veut faire manipuler les dents et tous les mâchoires s'écroulent, quoi. Et en fait, pour dire... alors, il portait plainte parce qu'il commence à lutter, parce qu'il voit, en fait, il y a un lien quand même. Et en fait, il y a alors une étude qui va être lancée, contrairement aux précédentes études sur les bienfaits du radium. Cette analyse est indépendante. Lorsque l'expert présente ses conclusions, il y a bel et bien un lien entre la peinture et la maladie ayant emporté les ouvrières. Au président de l'USRC, ces dernières sortent des secondes. Au lieu d'accepter l'étude, il en commande d'autres pour qu'elles arrivent à des conclusions inverses. Il ment aussi au ministère américain du Travail qui avait commencé à enquêter sur l'affaire en lui cachant les résultats du premier rapport. Publiquement, il accuse ses anciens employés de vouloir refourguer leur maladie à leur entreprise et refuse toutes les demandes de dédommagement de leurs nombreux frais médicaux. Et si elles sont persuadées que leur travail est fautif, elles doivent combattre le consensus de l'époque, considérant l'élément comme bénéfique. En réalité, ce n'est qu'à la mort du premier employé masculin de l'usine que les spécialistes prendront les choses au sérieux. Leur bataille relève aussi d'une motivation altruiste. Des centaines de peintres des quatre étaient employés aux quatre coins des États-Unis. Ce n'est pas pour moi que je lutte, commenta Grace Fryer. Je pense aux centaines de jeunes femmes auxquelles je pourrais servir d'exemple. Et en ce temps-là, l'intoxication au radium n'était pas considérée comme une maladie professionnelle. Alors, l'affaire de Radium Girls du New Jersey fait les gros titres des journaux locaux et l'affaire crée une onde de choc qui se propage à toute l'Amérique. Sauf que son entreprise Radium Dial, le USRC, nie toute responsabilité, encore et encore et encore. Et en fait, quand même, après, ils arrivent à avoir un avocat assez fort, bon, avec beaucoup de thunes, tout ça, et ils arrivent à gagner des procès. Mais même, en fait, bon, comme je dis, là, ils nient toute leur responsabilité. Mais après, à la fin, c'est l'affaire là, de Radium Girls, c'est une des premières dans laquelle un employeur a été déclaré responsable de la santé de ses employés aux États-Unis. Et elle mène à des nouvelles législations cruciales pour les ouvriers et, en fin de compte, à la création de l'Occupational Safety and Health Administration, l'Agence fédérale de protection des travailleurs américains. Je dois avouer, je n'ai pas fait des recherches qu'est-ce que c'est, mais c'était seulement pour exemple que, en vrai, là, c'est un peu la première fois qu'on trouve et aussi bien caché. En vrai, moi, j'ai seulement je connais cette histoire parce que j'ai lu une BD qui, je crois, s'appelle The Radium Girls et qui est basée sur des petits extraits des journaux des meufs qui ont travaillé là-bas. Et pour dire, ils ont quand même amené une lutte et c'était super dur qu'enfin ils disent oui, c'est nous qui sommes responsables. Et après, qu'il y a quelque chose qui s'organise, qui dise en fait. Il y a, si c'est des patrons de l'entreprise, l'État qui est responsable de certaines maladies de travail et il faut lutter pour ça. Et voilà. Et moi, je trouve ça un exemple hyper intéressant et que aussi parce que ça parle de lutte de travailleuses. Et que ça fait aussi partie dans les imbrications, voilà, le travail, le capitalisme et le patriarcat, c'est que on va aussi oublier en fait qu'il y a des travailleuses qui ont été en lutte pour faire bouger les choses. Et cette histoire des Radium Girls, moi j'ai l'impression qu'elle est connue aussi par la BD, comme tu l'as dit. Mais en fait, il y a eu aussi en France, une des premières grosses luttes de travailleuses qui a existé, c'était 1870. Les allumettes. Ouais, c'est ça. C'était les allumettes. Et ça a été vraiment une lutte qui a été menée avant tout par des travailleuses qui bossaient. Du coup, elles, c'était pas avec le radium, mais c'était avec le phosphore blanc qui permettait de la fabrication d'allumettes. Mais c'est à peu près la même histoire. C'est-à-dire qu'elles devaient le mettre à la bouche aussi pour fabriquer les allumettes et qu'il y avait aussi des nécroses de la mâchoire qui étaient connues. Et ça fait partie aussi des luttes qui ont permis à l'époque où c'était l'abolition en tout cas de l'utilisation de cette substance-là, là, du phosphore blanc. Mais aussi seulement parce que là je ne l'ai pas lu, mais ceux des articles, je trouvais plein de petits extraits qui parlaient aussi de ces trucs. Oh, c'était vraiment plutôt les femmes qui ont travaillé là. Bon, c'était aussi parce que c'était la Deuxième Guerre mondiale, les hommes qui étaient en train de... Voilà, pardon, tout ça. Mais en fait, c'était un peu aussi ces trucs. Ah, vous avez la chance aussi, la chance entre guillemets, et vous travaillez et pour nous et pendant la guerre et c'est super important. Et en plus, ils ont gagné... ils ont eu un salaire le plus haut à ce moment-là, plus haut que dans n'importe quelle autre usine. Alors vraiment, avec une connaissance, c'est dangereux. On va le payer beaucoup, plus un peu des trucs de culpabiliser, que ça va être difficile de lutter pour ses droits et pour sa santé finalement. Mmh. Parce qu'en fait, déjà, il faut être contente. Ouais. Que tu aies un boulot, quoi. Ouais. Et que c'est sur le... Et dans les luttes actuelles aussi des travailleurs et des travailleuses, c'est que là, par exemple, quand on parle des allumettes et du phosphore blanc ou des cadrans d'horloge et du radium, c'est que, entre guillemets, ce qui se permettait ces luttes, c'était le fait qu'il y ait une substance qui donne un problème. et que là, un des gros enjeux actuellement, c'est notamment dans la reconnaissance autour des cancers professionnels, c'est ce qu'on parle de la multi-exposition. Ça veut dire que pour l'instant, c'est pas du tout reconnu. C'est-à-dire qu'on pense les cancers, qui est la première cause de mortalité actuellement, comme la première, ce qui cause les cancers dans le discours commun et dans le discours médical et dans les études qui sont faites, c'est parce que tu fumes, parce que tu bois, etc. Alors qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une explosion du nombre de personnes atteintes de cancer en lien avec une explosion du nombre de travailleurs exposés à plusieurs substances différentes, et que ça, c'est pas du tout reconnu, en fait, le côté plurifactoriel, enfin, de multiples expositions qui causent des cancers professionnels et qui, du coup, mettraient en cause plutôt le mode de production industrielle, le mode de société, et pas du tout le comportement individuel. Et ça fait partie des grandes luttes qui essayent d'être menées en ce moment aussi, quoi. Mmh. Aussi, on a eu envie, mais... Je crois là, d'abord, on va écouter une petite musique, mais c'est pour dire après. Il y avait une petite conférence aussi à Saint-Thé qui était intéressante, d'une psychologue de travail, c'est ça ? Psychoanalyse. Non, psychologue du travail. Et peut-être après la musique, avant de parler de cette psychologue du travail, on parlera aussi de lutte de travailleuses en ce moment sur Saint-Étienne, parce que là, il y a des travailleuses au HPL à l'hôpital privé de la Loire qui sont en lutte sur leurs conditions de travail et qu'on avait envie de relayer l'info. Mais on s'écoute une petite musique. Suspense. On va écouter Björk, Kvalda. Okay. Vous êtes encore sur Radio Dio 89.5 comme en Oregon. Et comme on a choisi de parler du travail, bon, bien évidemment, ça va dépasser un peu parce qu'il y a plein de trucs à raconter. Et ah oui, non, mais en fait, tu as envie d'introduire, on va s'écouter des petits extraits d'une conférence qui a eu lieu à Saint-Étienne le vendredi dernier. D'abord, on voulait parler des camarades qui luttent au HPL. Ah oui, carrément. Alors, vas-y. Il y a un groupe de travailleuses qui s'occupent habituellement du ménage et d'apporter les repas aux patients, qui ont décidé de faire grève, et c'est le 7e jour de grève aujourd'hui, yes. Parce qu'elles ont des conditions de travail de merde et qu'il n'y a aucun dialogue possible avec la direction, sachant que dans le communiqué que j'ai lu juste avant de venir à cette émission, il y a eu des rendus justement de la médecine du travail et des trucs un peu institutionnels qui allaient dans leur sens déjà en 2020, et qui n'ont eu aucune réaction, et que là on est en 2022, et qu'elles ont décidé de faire un piquet de grève. Du coup, l'AG a décidé de continuer, et si vous voulez aller les soutenir, mais je crois que l'adresse c'est devant l'hôpital de la Loire, là, le CHPL, pas très loin des studios de la radio d'ailleurs. Du coup, vous pouvez aller les soutenir, boire un café... parce qu'elles ont bien raison. Et bah, du coup, plein de courage et de solidarité. C'est clair, plein avec de courage. Elles. Et aussi, on va conclure cette émission avec l'écoute d'une psychologue du travail qui s'appelle Lise Guéniard, qui est passée à Saint-Étienne donner une petite conférence, on va dire, enfin en tout cas venir discuter au Remue-Méninges vendredi soir dernier. C'était un très bon, enfin je sais pas, c'était moi en tout cas ça m'a beaucoup plu là, comment elle a causé. Lise Guéniard, elle est psychologue du travail, elle a 67 ans, elle a commencé à bosser dans les années 60 en tant que femme de ménage, et puis elle a fait des études par la suite. Elle est devenue psychologue du travail, mais dans un ancrage, on va dire, politique de la psychothérapie institutionnelle. Alors c'est un peu des mouvements de lutte qui étaient assez importants dans les années 70 et qui disaient, qui s'appuient un peu sur deux jambes, un bout sur le marxisme, du coup sur vraiment la lecture des rapports d'exploitation, et un bout sur la psychanalyse, mais du coup la psychanalyse entendu en sens de mouvement de libération. Du coup, elle a tchatché pendant une heure et demie. On en a... un camarade de Commando Ragon a pris le temps d'en extraire un petit peu des extraits radio. Le premier extrait qu'on va entendre, il fait pas mal référence au texte qu'a lu le camarade en début d'émission, le texte d'Edouard Louis, parce que le texte d'Edouard Louis, finalement, ce qu'il nomme, c'est le moment politique de 2006. Je crois que c'est le premier, la première loi du travail là, que tu racontes. Mmh. Et elle va revenir à peu près sur ces époques-là, quoi, sur 2000. Et qu'est-ce qui se passe en fait, au niveau du monde du travail, pour expliquer ce qui se passe dans le corps et dans la tête des travailleurs, et dire que c'est bien les décisions politiques qui s'incarnent dans des rapports d'exploitation et qui s'incarnent dans le corps et dans la tronche des travailleuses et des travailleurs, et c'est pas autre chose qui se passe. Et voilà, c'était là, une petite façon de tchatcher que je trouve vraiment chouette. Et on l'écoute nous parler de tout ça. En fait, les cas qui se présentent, enfin que j'ai relaté dans Chronique du travail aliéné, c'était une chronique qu'on m'avait demandé dans Alternative libertaire. J'avais discuté avec le rédacteur en chef de l'époque, qui était un truc tournant, mais il y a longtemps, il y a 20 ans de ça. Hein. C'était la haute période, pour ceux qui sont un peu plus âgés, du harcèlement moral. Et maintenant, c'est souffrance au travail, burn-out. On dit burn-out, c'est pas mal ça. ça n'a pas de sens hein, de dire burn-out, mais enfin bon, je ne vais pas s'étendre. Mais en tout cas, c'est une description. On est, si vous voulez, on est dans une époque à ce moment-là d'intensification du travail qui commence à craquer. On ferme les EDF, on sous-traite tout chez EDF. On va bientôt vendre France Télécom à Orange. On connaît les dégâts afférents. C'est terminé. On baisse toutes les comment les campagnes électorales. C'est on va baisser le nombre de fonctionnaires, etc. Donc, on est dans une période d'intensification des tâches et les Français ne s'en aperçoivent pas. C'est en même temps que la financiarisation de l'économie. Et donc, les gens continuent à penser que s'ils travaillent, ils auront des sous. Et si la boîte dans laquelle ils travaillent gagne des sous, eh ben elle restera ouverte. Ce qui est totalement faux. Ce sont des flux financiers qui n'ont rien à voir avec la rentabilité. Vous savez ça mieux que moi. Mais c'est le début. Et le début de ça, les gens n'ont pas l'habitude de penser la stabilité de leur existence fondée sur des salaires et sur un certain mérite au travail. Ils n'ont pas l'habitude de le penser de manière financière. Et d'ailleurs encore maintenant. Mais parce qu'ils préféreraient rester au fonctionnement économique, mais en fait, non. Et toute la fonction publique est envahie de cabinets, parce que là, je me dis, bon, pourquoi, pour les élections, tout le monde s'aperçoit qu'il y a des consultants, mais en fait, ça fait 20 ans que ça dure. C'est vrai qu'il exagère un peu, Coco, mais bon. Et c'est plus voyant, c'est plus cynique, donc c'est plus... Voilà, il ne se cache pas, donc bon. Mais c'est le début de l'arrivée des consultants, des gens qui arrivent de n'importe où, qui ne connaissent rien à rien, et qui... Par contre, ils savent très bien dégraisser le mammouth, comme disait Claude Allègre, l'élégant Claude Allègre. Et donc, c'est cette période-là où les gens deviennent dingues. À la place de faire la révolution, c'est dommage, elle aurait déjà 20 ans. Et donc, du coup, ce qui est proposé, c'est... quelque chose d'une psychologisation. C'est-à-dire que y a des pervers narcissiques qui vous persécutent, quoi. Donc, aussitôt, s'il y a des pervers narcissiques, tout ça, et si vous êtes harcelé, moral, donc il faut un psy. Et moi, à ce moment-là, j'écris tout ce que je peux. D'ailleurs, Yves Clos aussi écrivait ça à ce moment-là. J'étais pas toute seule, hein, mais enfin, on était pas beaucoup quand même. Hein, parce que c'est une manne, hein, au niveau pognon. Bon. Et donc, pour les psychologues du travail, pour tout le monde, hein, c'est en or. C'est l'époque en or. Personne ne savait qu'il y avait des psychologues du travail avant 2000. Hein. Tout le monde s'en foutait des psychologues du travail. Ils faisaient un peu de recrutement, un peu de machin, mais ils s'en foutaient complètement. Et donc, ils étaient au chômage, les psychologues du travail. Mais alors là, ça y va. Donc, en fait, ça tombe à pic. Et on va tous s'enfiler là-dedans, syndicats compris. Tout le monde demande des points écoute, on ne veut pas souffrir, on veut être bien traité, on veut être que ce soit gentil, tout ça. Le mec de France Télécom, là, au procès, là, le directeur, il a dit parce que vous croyez qu'on peut virer 22 000 personnes gentiment ? Et c'est vrai, enfin, c'est le seul qui a dit quelque chose de sensé pendant ce truc. Et du sale boulot, le sale boulot se fait salement. L'intensification du travail, avec l'arnaque des 35 heures, où on a la même tâche, mais en 35 heures, c'est super. Et du coup, on leur a piqué toutes les pauses, tout. Les vestiaires, le temps de vestiaire, le temps de pause, tout ça. Plus rien, machin. Et puis un peu moins de pognon, parce que quand même, vous travaillez quand même moins d'heures. Et vous faites la même tâche. Donc, tout bénef, quoi. Donc, tout le monde commence à devenir dingue de charge. Et pas seulement de charge, mais d'assister à ce qui se passe pour virer les gens, pour sous-traiter les tâches, pour tout ça. les gens dans les centrales nucléaires commencent à avoir peur parce que c'est plus eux qui s'occupent de la sécurité et donc ils ont peur, voilà. Enfin, tout le monde commence à... Voilà. Et ça fait 22 ans que ça dure, 20 ans que ça dure, 20, même 24 ans que ça dure. Et la financiarisation, les consultants, et voilà. Et à la place de saisir la question de l'augmentation de l'exploitation, on présente la question de la psychologie, c'est-à-dire que vous êtes quand même... Vous n'êtes pas très fort quand même, parce que là, vous pourriez être beaucoup plus fort. Donc, on vous met des coachs. Alors là, les psys du travail sont hyper contents. Alors, coach, c'est en or, vous gagnez une blinde, vous faites trois fois rien. Enfin. Et donc, tout le monde est content. Mais après, il y a eu la souffrance au travail en tant que telle, avec la maltraitance. La maltraitance est arrivée. On est maltraité. C'est pas on fait un travail de merde avec pas de moyens pour le faire, ou bien la nature de notre travail a changé, on nous demande beaucoup de mentir, de faire autre chose que ce qui est annoncé. Voilà, on dit pas ça, on dit je suis maltraitée. Voilà. Donc la maltraitance, ça a commencé par la maltraitance des patients, après c'était la maltraitance du personnel en général, et on dit maltraitance à tout bout de champ. On dit maltraitance, on dit burn-out maintenant, usure. Alors usure, c'est pas marrant parce que ça veut dire qu'après on ne peut pas réparer, hein, y a pas de reprise. Donc ça veut dire... Et donc, tous ces gens-là sont partis en arrêt maladie psychiatrique, ou pas d'ailleurs, ou pas psychiatrique, mais, et puis invalidité, enfin, ouais, invalidité après. Donc, ça se présente comme ça. Et c'est une des manières de se débarrasser du personnel. Inaptitude, hein. Ah ben, il y a la loi, oui, bien sûr, il y a la première loi sur le harcèlement moral, et puis la loi de 2008, qui, pour les syndicalistes, est vécue comme une grande victoire, alors même que, justement, elle pousse dehors du travail les gens qui sont supposés souffrir, mais ils sont en inaptitude, et vous avez des amphithéâtres entiers de médecins du travail qui disent « Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on les mette en inaptitude ?» Je dis bah « Parce qu'après, ils n'ont plus de travail, c'est ça, en fait. Ouais. » Les médecins du travail, ils gardent leur travail. Hein. Et alors, voilà. Donc, ils n'ont plus les moyens, en fait, de vivre, parce qu'une allocation adulte handicapé, ce n'est pas beaucoup. Et pour des gens qui ont vraiment des grosses difficultés à travailler... Ça peut être, enfin c'est de toute façon une aide, mais ça peut bon avoir un sens pour quelqu'un qui deux mois avant était encore au travail. Je trouve que c'est un peu voilà. Et maintenant c'est burn-out. Personne ne sait ce que ça veut dire. Alors vous êtes encore là ou en burn-out, on ne sait pas. Après 1h20. D'émission comme un ouragan. Mais en fait, on va pas vous lâcher parce que c'est comme ça maintenant. On doit travailler plus, en des temps plus réduits, on doit dire plus de choses. Voilà, plus de choses dans moins de temps ou plus de temps, je sais pas, un truc comme ça. Et en fait, il y a un autre petit extrait d'Élise Guignard aussi qu'elle a dit aux mêmes conférences vendredi à Saint-Thé. Où elle continuait de parler de l'exploitation de travail, tout ça, où la question c'était autour aussi dans une différence de classe sociale, de comment le maladie travail, de tout ça, quand tu es ouvrier ou dans un autre employeur. Voilà, on va s'écouter ce petit dernier extrait. Oui, on voulait aussi vous entendre sur ce que vous observiez comme le plus significatif, comme différence en groupes sociaux, que ce soit de genre, que ce soit des différences raciales, des différences de classe, dans l'expérience du travail, dans la manière dont les gens souffrent au travail et dont ils se heurtent à cette activité-là. Ben, déjà, on ne peut pas le savoir, parce que y a peu de populations surveillées. Il faut savoir que toutes les publics, vous voyez, c'est que dans les grands groupes. En fait, on a les accidents du travail, mais on n'a pas les burn-out, les machins, etc. On a les stats de la CNAV, de la CEPAM, mais on n'a pas, grand-chose d'analytique. Voilà, on sait que les arrêts de travail pour dépression augmentent, que les AH, les allocations adultes handicapés, les invalidités sont psychiatriques, en grande majorité maintenant, en évolution. On ne sait pas grand-chose de manière certaine. Et non seulement on ne sait pas grand-chose, mais on s'applique à ne rien en savoir. Il n'y a rien, en fait, de chiffres convenables. C'est des enquêtes mal foutues. C'est, voilà. On n'arrive pas à savoir les liens. Il y en a des chiffres qui circulent, mais ils sont tous louches. Enfin, ils sont tous... ils prouvent ce que la personne veut dire. Et ils ne sont pas tous les mêmes, du coup. Bon, maintenant, ce qu'on sait, c'est très bien... par contre, c'est la santé physique des gens qui sont surveillés, donc pas les sans-papiers, pas les ubérisés, pas les indépendants. Mais enfin, quand même, on connaît la situation physique de 80%, disons, de la population. Donc là, c'est très simple. Il y a 10 ans d'espérance de vie d'écart entre un ouvrier employé et un cadre et quatre sup. Il y a 10 ans d'espérance de vie en bonne santé. Il y a des maladies cardiovasculaires et des cancers en quantité bien plus importante, mais je me rappelle plus les titres là parce que c'est vrai que j'ai les chiffres, j'ai pas préparé ça, mais c'est je sais pas, c'est 50 fois plus chez les ouvriers employés, etc. Et ce qui est curieux, c'est que les gens en plus mauvaise santé, la plus mauvaise santé en France, c'est les employés. Les employés, c'est donc les bureaux, mais aussi les services à la personne. Ça, c'est des employés. Et donc, c'est eux qui sont en plus mauvaise santé. Et on a, par exemple, aussi beaucoup de troubles musculosquelettiques avec des destructions d'articulations très... très tôt, hein, ils ont vu des destructions d'articulation. Avant, c'était à 50 ans qu'on envoyait les gens faire une prothèse d'épaule. Maintenant, c'est à 30 ans. On voit des infarctus, des AVC au travail, sur place, à partir de 30 ans. On voit vraiment une intensification. Ça ressemble à dans les autres pays. Parce que nous, on psychologise. Mais les autres, ils meurent quand même, hein, je veux dire, en Italie, en Espagne, en Allemagne, tout ça, ils psychologisent pas du tout, ils en ont rien à foutre des psys, des coachs et machin. Mais, enfin, aux États-Unis, ils aiment bien les coachs, mais pas de la même manière. De toute façon, il n'y a pas la sécu, donc... Et donc, il y a que nous. Avec nous, qui vivons ça sur un régime dramatique, sur un régime d'emphase. Et puis pendant ce temps-là, les affaires continuent, le pognon entre au bon endroit. Enfin, ça va bien. Bon, merci Lise Gagnard pour cette prise de parole. Et en fait, on a arrivé à la fin de notre émission. On en fait pareil. Heureusement, on n'a pas payé parce que sinon, on serait payé pour une heure et on a fait une heure et demie. Alors, c'est super. On préfère pas être payé. Mais sur moi, je trouve la conclusion, en tout cas, c'est que je trouve à travers les textes, les exemples, les interviews là, qu'on a eues, c'est que ce qui est vraiment important, c'est d'écrire concrètement. Ce qui se passe, de décrire concrètement les rapports d'exploitation, d'où ils viennent, comment ça impacte sur la santé, dans la tronche, etc. Et puis aussi pour finir sur... Il y a des gens qui luttent depuis toujours et que... La grève, la solidarité, tout ça, quoi. La révolution. Et la révolution, ça a l'air pas mal comme conclusion. On commence à la révolution, mais après une petite dernière musique, non? Mmh. Ouais, et après dire au revoir. Ouais. je voulais rappeler que du coup, il y a